qu'on est tous cramés. Un peu comme le bout de ma cale. Écoute ma track, mes rimes fracassent comme un coup de matelas. C'est comme ça qu'on est grillé parmi les fous malades. Pour l'instant je rappe mais je ferai pas ça toute ma life. Ok ma gueule, on kick, on clip, on tease, on kiffe, on se pisse, on se au spliff. Ok ouais t'as compris, c'est accompli, compli. Poto je trafique mon pisse, nous c'est la vie qu'on taffe, tous cramés. C'est grâce au fil qu'on a mis le contact. Le match se finit sur un coup franc fatal. 40 degrés dans mes veines, moi je suis tout le temps fracasse, j'ai la dalle. J'ai mis un coup dans la table, claustrophobe, j'ai besoin d'air, moi je deviens fou dans ma tête. Tous cramés, alliés pour crailler, rapper toute l'année au lieu de brailler pour parler. J'écris pour oublier, quand j'ai la haine, je m'accroche. T'as vu nos têtes grillées sous nos peines de la coste. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses c'est le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses c'est le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés. Rap dur, sûr, en écartant les sales putes. Rap muscu, en évitant les lapsus. Calcul plus le nombre de gars à la rue. Trop de cam, de bise, de 8 coupés à l'arbus. Des squats lugubres, des bons finissent dans l'absurde. On a qu'une vie et on doit gérer un tas de trucs. Les factures tuent autant que les pompettes en Afrique. Ça te situe, le monde coule restant léthargique. Trop d'attitude, tu veux manier l'automatique. Mais t'as juste cru, l'homme est fort avec un calibre. T'as pas de scrupule, tu te prends pour Néo dans la matrice. En majuscule, graver ton blaze à l'acide. Yo t'assume plus, au lieu d'actif, tu te verrais actif. Gros t'accumules l'envie de fric et l'avantardise. Un tas de murs, s'agit sur le choix de tes habits. Le bénéf, mais sous le calcul des plus gros trafics. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses et le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses et le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés. Tous cramés comme nos douches qui traînent dans le sandar. Ça s'emballe pour 100 balles et ça tape un scandale. Rocher dans la sandale, on avance pas tant que ça. Mais on garde le sang froid et on ne perdra pas son calme. Ok, faut que ça vibre, que ça kick, que ça rime. Qui arrive vite les gars, faut que ça bouge avant que ça frie. Parcours plein de zigzags, évite les petites chattes qui grattent et qui se barrent. Te roule comme Rizla, c'est K qui rappe. Ouais mec, Matt, c'est qui claque. C'est pour ma clica, les gros bras comme les pitigas. Donc c'est Yipika, bien quand le piège est au cristal du val. Trop d'enroule face chelou, donc c'est bizarre, tu calmes. Ah les gars, voilà le signal. Moi je descends capu sur la tête banale. Vite gars de la ville, certains sont bien mais ils veulent la vivre. Ça sent le roussi, t'es mal et rat, quitte le navire. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses et le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés. On gonflait mec, mange pas les restes et vénère toute l'année. A force de faire le tour, mes rêves ils finissent tous calés. Au tournant rangé que mes faiblesses et le temps qui me fait passer. On vit en ombre et en surnombre, les jeux sont tous cramés.